sur la Transversale avec Kevin Laramée, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale, en direct sur Facebook ou sur demande sur iTunes, Google Play Store ou n'importe où où vous trouvez vos balados de diffusion ou aussi au sportspodcastingnetwork.com. Quelle victoire de l'Impact hier soir, mais dommage! Tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est les commentaires de Nacho Piatti après le match. Nacho Piatti qui a mentionné à la fin du match que ce peut-être ses 10 derniers matchs avec l'Impact de Montréal. Donc, ça va être intéressant de garder un œil sur la situation. Nacho Piatti qui est déçu de la tournure des négociations mentionné après le match. On va en parler plus en détail un petit peu plus longtemps, plus tard dans l'émission. Que c'est peut-être ses 10 derniers matchs. Il a mentionné qu'il faisait tout à son possible et qu'il avait fait tout à son possible pour rester, mais c'est entre les mains du président. Et c'est les mots même de la bouche de Nacho, pas du directeur technique, pas de Adam Braz, pas du négociateur international Nick DeSantis, mais du président Joey Saputo. Donc, on va voir les résultats de cette négociation publique qui ont débuté hier pour Nacho Piatti avec ses commentaires qui avaient l'air prémédités après match, avec une performance de 2 buts et d'un cadeau aussi, Nacho étant le joueur désigné pour tirer les penalties. Un cadeau qui a donné à Mancosu, qui était le 2e but de l'Impact, et le 3e but de Nacho plus tard dans le match avec un autre beau tir enroulé. Cette fois-là, c'était pas Blérim, donc c'était pas un roulé suisse, mais la roulade argentine au 2e poteau était très impressionnante avec le bond qui a déjoué le gardien de Chicago. Je pense que Chicago s'ennuie de Sean Johnson. L'Impact est bien content, par exemple, que Sean Johnson est à New York, parce que Chicago, en chute libre, pas encore, mais bientôt, si les résultats continuent comme ça, ils s'en vont à Toronto, ça ne sera pas facile durant le week-end pour Chicago. Revenons au match d'hier soir. On va voir un petit peu plus tard à l'émission les commentaires d'après-match, évidemment, de l'entraîneur Mauro Biello, de Patrice Bernier, Samuel Piette, Blérim Dimali et Daniel Lovitz en anglais aussi pour terminer. Mais présentement, la victoire de l'Impact est importante. La 3e de suite, oui, on parle juste de Nacho. Oui, on a juste le sentiment de pas avoir le sentiment de vide. On veut pas que Nacho parte. Quand je dis « on », c'est les supporters. Les supporters ont parlé hier sur les réseaux sociaux. Et oui, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est quand même un bon pouls des supporters, de l'émotion. Et les gens veulent que Joey signe. Ils veulent qu'il signe. Joey signe Nacho. Était le commentaire qu'on voyait sur les réseaux hier. « Pay Nacho » était aussi un mot-clé très utilisé. Mais je crois que Nacho Piatti a vraiment débuté une négociation sur la place publique. Et je peux comprendre aussi, si on regarde le salaire que Nacho gagne selon les plus récents données de l'Association des joueurs de la MLS, oui, c'est pas nécessairement tout le salaire au complet, des choses qu'on sait pas encore, on va savoir un petit peu plus tard dans la saison aussi. Mais Nacho Piatti, pour les performances qu'il met sur le terrain, pour les statistiques qu'il récolte, pour l'apport qu'il a avec l'Impact de Montréal, c'est un aubaine. C'est une des plus grandes aubaines dans la Ligue, Nacho. Top 3, top 4 de la Ligue dans le meilleur joueur, dans la discussion pour le joueur le plus utile quasiment tous les années depuis qu'il est arrivé avec l'Impact de Montréal. Nacho nous a fait vivre des grands moments du Stade Estadio Azteca en passant par le Stade Saputo et le Stade Olympique. Nacho nous a fait vivre de grands moments. 42 buts marqués pour l'Impact depuis son début en 2014, je crois, si je ne me trompe pas, 2014-2015, dans ce coin-là. Donc, pour Nacho Piatti, c'est le temps pour lui d'avoir un plus gros compte de banque. Il reste pas tant de contrats que ça, Nacho Piatti a signé dans sa carrière. Si on revient à quelques commentaires que Nacho a fait durant les quelques derniers mois, 1 ou 2 autres années en Amérique du Nord, en MLS, était ce qu'il avait prévu pour lui. Parce que c'est avec l'Impact, on ne sait pas. Puis maintenant, ça nous rappelle les commentaires de quelques années, Nacho, lorsqu'il était arrivé à Montréal, avait mentionné « Ah, c'est peut-être une plaque C'est peut-être une lance de une lance. Une rampe de lancement pour moi ici, Montréal. Peut-être qu'un jour je pourrais aller à Miami ou autre. Miami est une ville destination très populaire à l'époque. C'était quelques semaines seulement après l'annonce de David Beckham et ses projets envers Miami pour avoir éventuellement une équipe de la MLS à Miami. C'est toujours en cours en passant, si vous n'êtes pas au courant. Durant le All-Star Game de Chicago, durant le match des étoiles de Chicago, durant la conférence de presse de Don Garber, quelques heures avant le début du match, j'étais présent, Don Garber parlait de Miami. Il y avait eu une rencontre des Board of Directors, une rencontre de la chaire de direction de la MLS, donc qui est soit les propriétaires, les vice-présidents, les représentants de chaque équipe étaient là. Et Miami, David Beckham et ses partenaires financiers ont fait une présentation et ça a très bien passé. Et la présentation était nécessaire pour pouvoir avoir le hockey de la Ligue et continuer dans les démarches pour avoir un terrain, pour trouver l'emplacement idéal pour bâtir le stade et avoir la concession. Miami n'est pas dans les expansions possibles des quatre qui s'en viennent. Il va en avoir deux annoncés avant la fin de l'année et deux éventuellement dans un autre processus d'ici quelques années pour monter le nombre d'équipes à 25, je crois. Mais Miami est en dehors de ça. Miami est annoncé avant ça et un cas individuel ne sera pas nécessairement dans le processus qui est présentement en cours avec les Détroits, Sacramento, San Antonio, Carolina et autres. Pas oublier Saint-Louis et les Rowdies as well de Tampa Bay qui sont dans ce processus présentement. Mais pour revenir aux commentaires de Nacho, donc je ne serais pas surpris que Nacho, il y a plusieurs options ici. Il y a comme trois vraies options, raisons derrière les commentaires de Nacho hier. Il va avoir plus d'argent. Peut-être. Mais c'est pas seulement juste à cause de l'argent. Si on regarde la longueur, 1 à 2 ans, et on avait entendu parler plusieurs mois et même années que son contrat était bon jusqu'en juin 2018. Donc oui, hein, on entendait des choses un peu contradictoires, mais selon les désirs de Nacho qui parlait de 1 à 2 ans, si le contrat idéal serait une durée de 18 mois pour Nacho, ce qui rajouterait 6 mois et ferait l'année 2017 complète et l'année 2018 et ensuite passerait à autre chose, retournerait sûrement à San Lorenzo ou quelque part en Argentine. Donc 18 mois, ce serait la durée voulue pour Nacho Piatti. Ça, ce sont les informations qui ont coulé ce matin aussi par Jean-Charles Lajoie du 91.9 Sport. 18 mois serait l'idéal pour Nacho et l'Impact aimerait peut-être un 30 mois. Oui, c'est sûr qu'il y aurait une question d'argent, évidemment. Si on regarde le salaire que Nacho gagne présentement, et le salaire qu'il devrait avoir si on compare à d'autres joueurs. Oui, Giovinco a un peu surpayé une taxe de luxe, qu'on pourrait dire, pour Toronto. Mais entre 3 et 5 millions par année, je crois que plus proche du 5 serait amplement convenable pour Nacho Piatti et l'Impact de Montréal aussi. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, il serait le joueur probablement le mieux payé de l'histoire de l'Impact. Mais Nacho est le meilleur joueur de l'histoire de l'Impact et se doit d'être payé à sa juste valeur. Oui, souvent au soccer, ce n'est pas des contrats qui paient ce que vous avez fait dans le passé, mais pour ce que vous allez amener dans le futur. Nacho est dans son prime encore et dans ses années-lumière, comme on pourrait dire. Et pour Nacho, je ne serais pas surpris du tout s'il est capable d'avoir ce contrat ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Si on regarde les prochaines expansions qui sont déjà annoncées, LAFC. LAFC s'en vient en Ligue. LA, évidemment, Los Angeles, un endroit hispanophone, donc Nacho ne serait pas trop dépaysé. Et aussi, ce qui peut être important pour Nacho, c'est la possibilité de jouer avec un Carlos Vela, la possibilité de jouer peut-être avec un Zlatan Ibrahimovic, la possibilité d'être entraîné par Bob Bradley. Il y a plusieurs choses qui pourraient intéresser Nacho à Los Angeles. Oui, c'est peut-être une technique de négociation, encore une fois, et ça m'a l'air prémédité aussi, le moment choisi, après une grande performance de 2 buts. C'est pas nécessairement une coïncidence que Nacho a fait ses commentaires hier soir. Donc, c'est la première option. Pour avoir plus d'argent, un meilleur durée de contrat. Donc, pour une négociation contractuelle, c'est une des trois raisons possibles. Deuxième raison, il sent que les négociations, ça ne va pas du bon côté. Il n'est pas d'accord. Il veut peut-être quitter. Il va peut-être forcer la main de l'Impact, comme Dwayne a dit aujourd'hui à Soccer Today. Oui, je n'étais pas absolument d'accord avec le timing de Dwayne, qui dit peut-être qu'ils veulent forcer pour un départ imminent. J'en doute. Mais si l'Impact... L'Impact a encore un contrat jusqu'en juin 2018, fin juin 2018. Donc l'Impact pourrait se retrouver dans la saison morte avec quelques options pour avoir une valeur pour Nacho. Nacho pourrait être échangé en MLS pour de l'argent location. Il pourrait briser le record de Dom Dwyer pour le plus grand échange dans l'histoire de la MLS. Oui, je ne serais pas surpris. Ça, c'est si Nacho veut vraiment quitter. Donc, l'Impact se retrouverait dans une position soit qu'il perde pour rien ou qu'il trouve un moyen de faire une transaction pour avoir de la valeur pour lui. Donc, la deuxième option serait que Nacho pourrait être échangé cet hiver, dans la saison morte, contre des valeurs, contre des choix de repêchage et quelques joueurs peut-être en MLS. Ou, troisième option, Nacho veut quitter l'Amérique du Nord tout de suite. A changé carrément d'idée depuis 2 semaines. On se rappelle, durant le match d'étoiles à Chicago, Nacho a parlé pendant quelques minutes à Football MLS, le côté hispanophone de MLSsoccer.com. Il mentionnait que oui, je veux rester en Amérique du Nord encore pour à peu près un an ou deux. Donc, toutes les choses se suivent. Hein? C'est toujours un an ou deux qu'on parle pour Nacho. Et c'est ce qu'il avait mentionné aussi. Et qui se plaît, qui adore Montréal et qui voudrait rester. 1 plus 1 égale 2. Dans les trois options, je pense que la première est la plus probable. Et la deuxième, si l'Impact n'est pas capable d'avoir une entente, président Joe Saputo et légende Nacho Piatti, côté salarial, côté durée de contrat, ben là, on se retrouve avec peut-être pas le choix de faire l'option numéro 2. Je doute que c'est l'option numéro 3. L'option numéro 3 voudrait que ce soit Nacho Piatti qui veut quitter l'Impact tout de suite. Je pense pas ce qui va arriver. Je pense vraiment que c'est l'option 1 présentement. Les négociations ne vont pas du côté de Nacho. Nacho a fait tout ce qu'il pouvait faire. L'agent a peut-être conseillé à Nacho. Ah, peut-être que tu pourrais mentionner après le match, surtout si tu scores 2 buts. Surtout si tu es l'homme du match. Tu vas avoir une conférence, une petite entrevue devant les fans. Et en français, il a mentionné tout ça. C'est pas une coïncidence. Et si on retourne à la célébration lors du premier but, les mains sur les oreilles, si vous voyez la vidéo, il était comme ça, les mains sur les oreilles, courait et regardait la tribune de Joey Saputo. Donc, est-ce que c'est une coïncidence lorsqu'on entend les commentaires d'après-match et qu'on regarde la célébration? Peut-être que ça a de l'allure. Un petit crédit à Dave Levesque, journal de Montréal, qui a remarqué avec le recul la célébration de Nacho et peut-être ce que ça pourrait dire pour le reste des négociations pour Nacho, son agent et le président, Joey Saputo. Bon, assez parlé de la saga Nacho. Maintenant, allons écouter les commentaires d'après-match de l'entraîneur Mauro Biello, suivi de Patrice Bernier et de Samuel Piette pour la première fois à l'émission. Des bonnes équipes dans l'Est. Est-ce que c'est pour vous un match référence, un match sur lequel vous pouvez vous baser pour le reste de la saison? C'était un match important pour nous. On a joué contre une très bonne équipe. Je pense qu'on a bien défendu. On était compact. Oui, il avait plus du ballon. À la fin, on les a fait mal en contre-attaque. L'équipe grandit. On a battu une équipe. On a pris les 3 points contre eux, et maintenant on avance. Et c'est ça ce qui est important. Je pense que l'équipe était un peu fatiguée, mais on a démontré cette confiance et ce rythme, et on était capable d'aller chercher les 3 points. Ça semble être le même refrain cette saison. Nacho Piatti, qui est un de vos meilleurs joueurs, il a dit en fin de match, une citation un peu spéciale, que c'était peut-être ses 10 derniers matchs, à quel point il est important pour vous dans votre équipe en ce moment. Non, avec Nacho, c'est un des meilleurs dans la ligue, c'est sûr. Il le démontre. Il est comme les Villa, les Jovinko, des gars qui sont capables de faire la différence. À la fin, je vais parler du terrain. Je sais qu'ils sont en négociation et moi, je vais juste parler du terrain. As-tu l'impression que ton équipe a finalement trouvé le rythme que tu recherchais, que tu voulais voir cette année? Ça s'améliore, ça c'est sûr. Je pense que après la victoire de Philadelphie, on savait que ça serait difficile avec le voyage et de retourner à domicile. On était capable de compter très tôt dans le match. Mais tu vois certains joueurs qui commencent à grandir dans leur position. Et bravo, on a vu des bonnes performances. Encore une fois, défensivement, j'étais très content qu'on n'a pas accordé parce que ça, c'était une bonne équipe et on était capable maintenant d'avoir un autre blanchissage deux matchs de suite. Alexis, Matteo a marqué son premier but en deux mois. En tant qu'ancien attaquant aussi, qu'est-ce que ça a fait au niveau mental, surtout marquer un but comme ça? Ouais, ben, la première chose, je vais dire le geste de Piatti, qu'est-ce qu'il a fait pour lui donner le penalty. Ça, c'était extraordinaire de sa part, d'aider son coéquipier. Et puis, écoute, ça fait du bien pour lui, on a besoin de lui. On a besoin de lui qu'il retourne à le rythme qu'il avait l'année passée, parce que sans lui, l'année passée, on arriverait pas en finale de conférence. Il a compté des buts importants. Aujourd'hui, il a eu deux ou trois bonnes occasions aussi. Il était capable de compter son but. Alors, pour nous, on continue à pousser son rythme et ça va se débloquer. Moreau, commence à avoir un joyeux problème dans le sens que Victor vient de faire deux excellents matchs. Takar Fischer qui a très bien joué aussi à côté de Laurent. Ça te pose-tu problème ou pour un entraîneur, tu trouves que c'est la meilleure position possible? Il va avoir la concurrence et à la fin, la profondeur est importante pour une équipe d'avoir du succès. Et les joueurs, ils vont se pousser maintenant parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont bien fait, des joueurs qui attendent leur chance. Alors, ça va être à moi de gérer tout ça. Mais quand même, quand il y a cette concurrence, entre certains joueurs dans les différentes positions, tu vas augmenter le niveau à l'entraînement et tu vas augmenter les performances. Joey, it's a pretty cool gesture from Piatti to let Mancoso score his first goal in a couple of months. Just, I wanted your thoughts on that. And are you seeing anything out of Mancoso right now that would indicate that he's about to break out of this slump or funk or whatever you want to call it? Yeah, I think obviously the. You know, Piatti giving the PK to him was phenomenal. What a team player. Thinking of his teammate, how he could help him out. I thought that was phenomenal gesture by him. Mateo was finding good spaces. He had some breaks out there today. He had a couple of chances that he probably should have did better. But, if the chances keep coming, eventually he's going to score. And it's a guy that we need, to get going. Because if he does, then we start becoming a very dynamic attack going forward here. And Coach Piatti alluded to the fact that these could be the last 10 games in Montreal. Is there anything you can tell us in that regard? No, I'm only going to talk about the field. Obviously, Nacho, in that regards, for me, is one of the best players in the league. I know they're in negotiations right now, and he had a tremendous performance tonight, and. For us, it was good, and we took the 3 points. Coach, a great win, but if you look at the possession stats, I think it was around 68-69% for the other team. Is that concerning at all to you, or why not? They had a lot of possession in their half, and in the end, that stat didn't lead to many chances on their end. And if it was leading to chances, I'd be concerned, but. Sometimes this is the game. Some games are dictated in a certain way, and for us, it's one of our strengths when we're a little bit lower and we're able to break with speed and quality. So for us, it worked out well. In the end, we were able to score 3 goals and hurt them that way and then not concede. Mauro, how's the team better than it was early in the season, and where do you see it need to improve? I think we're improving for sure defensively. I think we're not giving up too many chances. I think if you look at the last 3 games, the chances that we gave to the opponent were very few, and I think that's important. We want to be a team that's that's able to sit low and counter. At the same time, we want to be a team that's able to unbalance. And we show that in Philly. We're able to unbalance a team with our possession and score goals. And this time around, we were able to sit low and hurt a team in that manner. So if we're able to do those two phases well, we're able to sit when we need to sit and stay compact and hurt them on the counter. And then in different games, being able to dictate. And those are things that we need to continue to improve on, for sure, because you're going to find teams that'll come here and sit low, and we'll have to find solutions to break them down. So in the end, these are things that collectively we'll continue to work on and try to improve. But the team is, you know, it's three games in a row. It's two straight shutouts. We're growing. We've got another big game on Saturday, and we're moving up in the standings. And obviously, the goal is to make the playoffs, but that said, do you feel like you have the elements that you have the potential for to make a run for the MLS Cup? Well, we're going to focus on trying to get in the playoffs. Right now, we're below the red line. You know, this was a game in hand that we shortened the gap between us and the teams tonight because we were only two teams playing. We still have work ahead of us. We have important games against difficult teams coming up. And right now, we're focused on these games that we have in front of us, and then we'll see where we are in the standings. You won six of your last seven games at home. You got three games coming up. Can you just talk a little bit about how this team is playing at home? Yeah, I think at home, you know, we get great crowds over here. We feel the fan, the energy behind us, and it was one of our goals this year. After last year, we felt that we didn't perform well at home, and we wanted to be much better at home. And right now, you know, we're starting to put in some solid performances at home, and I think this is important because if we're able to continue to grow and have these performances at home, you start to accumulate points, and you know, this is the mentality, and right now it's working for us. La performance de Sam Piet ce soir? Ouais, Sam, c'était son premier back-to-back. Je pense que avec comment il jouait Chicago, il créait beaucoup de overloads entre les lignes. Alors, à la moitié de la première demi, on avait descendu Pat Bernier à côté de lui parce qu'il y avait beaucoup de dézonage au niveau de leurs attaquants, mais quand même, c'est une expérience pour lui. Je pense qu'il il lit bien le jeu. Je pense qu'il a bien protégé la défense. Sa relance n'était pas comme l'autre soir, mais quand même, je pense qu'il a eu un match très solide. Alors, c'était Mauro Biello, l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Maintenant, le capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier. Trois semaines après avoir touché le fond à New York, qu'est-ce qui a changé dans l'esprit de cette équipe? Ben, écoute, quand tu prends une claque à la face, à la fin, tu ne tournes pas l'autre joue. Donc, il fallait juste simplement se réveiller. Donc, on a frappé le bas-fond, si on peut dire, à ce match-là. Et peut-être qu'on ne le réalisait pas avant, mais on l'a réalisé à ce match-là. Et là, il fallait réveiller les esprits. Et puis, tranquillement, match après match, là, on a démontré notre vrai talent, notre vrai potentiel. Et on travaille fort ensemble. Puis aujourd'hui, ben écoute, on n'a pas eu la possession, mais on a travaillé ensemble, on a été solidaires. On arrache les... Si on peut dire de toute façon, on arrache les matchs parce qu'on est ensemble. On est collectivement ensemble, offensivement et défensivement. Et c'est ce qui fait la grosse différence derrière moi. Vous trouvez que l'Impact a finalement trouvé son air d'aller que vous cherchiez depuis le début de la saison? Oui, là, écoute, la confiance, elle est là. On le voit. Alors, quand on joue, écoute, on a plus que l'exécution au niveau des passes, au niveau des chances qu'on a à l'attaque pour marquer. La défense tient le coup. Écoute, c'est deux blanchissages. C'est quand la dernière fois que deux matchs de suite sont arrivés à zéro. Donc là, écoute, on a tourné une page. Puis, mais c'est match après match parce qu'il n'y a rien fait. Nous, on n'est pas encore par-dessus la ligne rouge. Et on a du chemin encore à faire. Mais c'est bien d'être dans cet état-là et puis de démontrer qu'on est une bonne équipe. Même si je sais que dernièrement, on a pu poser plein de questions. Tant mieux, parce que là, il y a les niveaux qui sont arrivés, qui ont apporté. Mais là, il faut continuer à travailler. Maintenant, la nouvelle coqueluche de l'Impact, Samuel Piette. C'est bon. Sam, deuxième grosse victoire de suite, deuxième 3-0 contre une grosse équipe. Comment as-tu vu ce match-là, Zéroulet? Un match assez difficile, on était moins en possession. Je te dirais qu'on l'aurait voulu, on savait que c'était une bonne équipe qui bougeait beaucoup le ballon, beaucoup de mouvements avec leur attaquant. Fait que c'était quand même assez difficile, mais on a bien joué nos cartes. En fait, on a joué sur la contre-attaque. Puis on a marqué des buts assez rapidement pour un demi, donc ça nous a mis en confiance. Puis après ça, il fallait seulement défendre puis protéger notre but. Là. On pose souvent la question aux joueurs, es-tu encore surpris de voir ce que Nacho Piatti est capable de faire sur le terrain? T'es nouveau, es-tu surpris de voir ce que Nacho Piatti est capable de faire sur le terrain? Ben oui, c'est sûr. Je le voyais à la télé ou quand je venais voir les matchs ici. Mais quand tu joues avec, tu le vois d'un œil différent. Nacho, il a un talent incroyable, puis c'est seulement bon pour notre équipe, là, puis c'est bon de l'avoir avec nous. Là. Premier match à Montréal, comment t'as vécu ça? Bien, un peu nerveux au début, là, je crois que ça s'est vu. Premier demi, ça s'est moins bien passé pour moi. Bon, c'est un match assez difficile à jouer, étant donné qu'on était moins en pression, en possession, excuse. Mais bon, le plus important, c'est les trois victoires, puis les trois points, excuse, puis c'est la seule chose que je m'en vais pour mon début à Montréal. Sam, t'as pas eu à amener 300 personnes pour qu'il y ait de l'ambiance là, aujourd'hui. Ouais. Comment t'as trouvé justement la foule et bon, l'accueil qu'ils t'ont réservé aujourd'hui? Ah, très bel accueil, vraiment content d'être ici. La foule était incroyable, ça nous a aidé à justement à la fin du match de garder le score à zéro à nous. J'avais quelques membres de ma famille qui étaient là, je n'en avais pas 400, mais ce sera pour une prochaine fois. Là. Ouais, c'était cool. C'était vraiment spécial. Je me suis fait sortir, en fait. J'ai demandé le changement parce que je suis quand même assez fatigué, étant donné qu'on avait un match il n'y a pas longtemps. Mais le fait d'avoir une ovation devant les fans ici, puis même à la fin, en faisant le tour du terrain, c'était quelque chose de très spécial pour moi. Juste une fois en anglais, comment vous aimez le crowd out there, la première expérience en Montréal pour les fans? Oui, c'était génial. C'était génial. Obviously, playing here in Montreal, my first game in Montreal, I thought was something special. Especially with the win today, so I couldn't ask for more today. You got a huge ovation when you came off the field. Yeah, like I said, it's amazing, you know, to get the recognition from the fans. You know, I didn't have my best game, but at the end of the day, the most important what counts is the 3 points, and I'm just happy with that. Talk to me about the Piet effect. Sam Piet comes into the lineup, and it's back-to-back clean sheets, man. Yeah, I mean, I think I'm playing a good role in the team. I think I'm fitting pretty well, but. We have to give credit to the whole team, you know, and the staff, because the team has been playing very good in filling in and today. You know, these were two different games, but, you know, like I said, victory is the most important, and that's what we did today. For a new guy, what's the, like, atmosphere around the team? Like, you just came in here. What's like, I know they're below the red line, but yeah. What's the group feeling? I mean, now we're in a good run, you know. 3 wins in a row. We couldn't ask for a better time for us, and better time for me to come in, you know. Guys have been great here. I settled in really quick, especially because, you know, there's some Canadians that I play with on the national team, and then the French guy, the Spanish guy. Everyone has been amazing, you know, and I feel like I've been playing for this team for a long time now. I know you're a hometown boy, but you've been playing in Europe a long time. Yep. What's it like to fight for a playoff spot? It's weird. I mean... In Europe, it works like that as well, because I played in lower division, so we had to fight, you know, to put us in the playoff as well. But these were playoffs to go up, you know, go in a higher division. But it's good. It's different, you know. Every game, you know, we have a goal, you know, we have an objective at the end of the year. So I think it's good for us to have an objective for us. Yeah. Samuel, juste pour finir, ça fait un petit peu plus que 2 semaines que tu es en ville. Ouais. Comment est-ce que tu t'adaptes les réseaux sociaux, la famille, les demandes de billets, vivre dans sa ville, comment l'adaptation se passe bien? Oui, ça va très bien. La famille, ça va assez bien. Tout le monde est content que je sois ici. C'est sûr que des fois, je reçois des petits messages des gens que je connais un peu moins qui me demandent des chandails ou des billets. C'est sûr que là, j'essaie d'être gentil avec tout le monde, mais il va falloir demander que je commence à choisir un peu les gens parce que je ne peux pas être gentil comme ça. Ben pas gentil, je dirais, mais tu vois, de plaire à tout le monde. Fait que, mais non, là, c'est cool là, de recevoir de l'amour là, des fans et de ma famille. Là, c'est spécial. Là. À quel point le match Canada-Curaçao a ouvert tes yeux sur les possibilités d'être joué à Montréal? Assez grand, je te dirais. Ça m'a donné un avant-goût de ce que pouvait être le Stade Saputo. Je sais que ça n'avait pas la foule comme aujourd'hui. Mais bon, on a joué dans un stade incroyable. Puis, tu vois, dans des infrastructures, j'avais les infrastructures du centre d'entraînement. Comme j'ai dit, je connaissais un peu déjà les gars ici, donc c'est sûr qu'en jouant ici, ça m'a donné un avant-goût. Là. Merci, Sam. De rien. Blérim Dzemali. When I came here, we were lost, and the team knows now that we can do a lot. The last 3 games showed us that we can compete against everybody, and that we can do well against everybody. And I think we need to keep on going on this street, because as I said to the team before the game, we cannot make any mistakes anymore because nobody's waiting for us. And now that we didn't make the mistake, we have to look in front and we have to look the next game against Salt Lake. We need again 3 points and hopefully we're going to be in the playoff spots after the next game. You have a nice connection with Piotti. Can you just tell me your impressions of him as a player and how important he is to this team? I mean, he's one of the best player in this league, not only in this team. And it's sometimes it's easy for him with him to play because, as I said once, he got always two, three players on him, and you can have space like this because you can be free. And I think that's the thing. We search each other because we know our qualities one with the other. But I think the whole team did very, very well the last 3 games. Thank you very much. Pour traduire les commentaires de Blérim, donc Blérim parle de maintenant. L'Impact peut compétitionner avec n'importe quelle autre équipe dans la Ligue. C'est ce qu'ils ont été capables de prouver dans les 3 derniers matchs et c'est ce qu'ils ont prouvé à eux-mêmes. Faut que l'Impact continue sur cette séquence de victoires. Elle doit continuer parce que l'Impact se retrouve maintenant dans une situation qui n'avait plus le droit à l'erreur. Ils n'ont pas fait d'erreur pour les 3 derniers matchs, mais les autres équipes vont attendre le moment que l'Impact fait une erreur et l'Impact doit continuer sur la séquence actuelle. Aussi, en parlant de Nacho Piatti, Blérim mentionne qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, selon lui, si ce n'est pas le meilleur. Et c'est plaisant jouer avec Nacho parce que Nacho se retrouve toujours avec 2-3 défenseurs sur lui. Et cela crée énormément d'espace pour un joueur comme Dzemali. Donc Blérim mentionnait que c'est toujours plaisant parce qu'il se retrouve avec de l'espace et beaucoup d'espace en jouant aux côtés de Nacho Piatti. Maintenant, pour terminer, les commentaires de Daniel Lovitz. Dan, scoring 3 goals in 1 half against one of the better teams in the league, does that feel like a statement to you? Yeah, definitely. I think we played a good half. We did what we wanted to do and made sure they couldn't accomplish what they set out to do. And with the atmosphere at home, we were able to get on them right away and kind of bury them in the first half. And, you know, it makes it hard to lose games when you put in 3 in the first half and keep a clean sheet. What is sweeter, the second clean sheet or the third win in a row? Third win in a row. I think, you know, we're in a results-driven business here, and frankly, our backs have been up against the wall a little bit. So the wins are the most important thing. The manner in which we do it indicates how we're playing. Clean sheets, that's our job, that's my job. I know Bushy and the rest of the guys are thrilled, and that's what we set out to do every game. So to accomplish it, it's huge. We take that very seriously, and we look to continue. Tell us back-to-back crowd tonight. It was almost a full episode. Great. I mean, the past few home games have been spectacular. The best I've seen as a player, even playing here with Toronto. So it's really one of those places now. It's becoming a fortress, and it's just one of those places that makes it hard for the other team to do what they want to do. And like we said, that's a tough team to play against, especially within conference. But you know, they struggle on the road, and the crowd made it so that you know they couldn't do what they wanted to do here, and we were able to jump on them right away. Is it just a coincidence that you got those 2 back-to-back shutouts with the Semyon and the lineup? No, I mean, I don't think so. I don't think so. I think, you know, he brings a lot to the table. And defensively, he was, you know, he's great. He breaks up plays. He plays simple. And it's exactly what we need. And I think it's showed the past few games. I think, you know, especially in Philly, he was all over the place. It was a pleasure to play with him. And, you know, it makes our jobs easier and a little bit more clearly defined. So it was easy. It was easy for us. Daniel, 2 back-to-back solid performances for your part. When you're looking at the possible congestion in the back line in the near future with Sean Francis, another possible option, how important were those 2 performances for you? I think the entire season's been important for me. I came here knowing that there'd be a window of opportunity with Ayango being gone for international duty, and that turned into a bigger opportunity for me with his injury, unfortunately. So for me, it's about putting some time down this position and proving that I can play it. I've been doing that. I'm going to continue to improve at it and just help us win games. That's the most important thing. Just to finish, last week was a little special for you, close to home in Philadelphia. How was it, 54 kilometers away from home? It's great. I mean, it's very special to play at home. You know, over the years, of course, people, you know, the numbers dwindle that come to the games. People stop caring a little bit, but the family, everyone was there that I needed to be there, and it's a special feeling always to play in front of your hometown, especially to win. I think that was the most important thing. Thank you. Awesome. Thank you, guys. Merci à Mauro Biello, Patrice Bernier, Samuel Piette, Blérim Dimali et Daniel Lovitz pour leurs commentaires d'après-match. Les prochains matchs de l'Impact, samedi au Stade Saputo, samedi soir contre le Real Salt Lake. Une possibilité pour l'Impact de monter jusqu'à la 5e place du classement, possiblement avec une victoire qui serait la 4e de suite pour la troupe de Mauro Biello. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne jamais manquer une émission en direct de Sur la transversale et pour avoir mes commentaires durant les matchs de l'Impact en direct du Stade Saputo, en direct du studio ou en direct lors de mes déplacements pour suivre le club @KevLaramé. C'est A commercial KEVLARAMEE ou sur Facebook, vous pouvez me trouver facebook.com/KevLaramé. Et encore une fois, jusqu'à la prochaine fois, je suis Kevin Laramé et je vous souhaite bon soccer.